Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, notre agent secret français préféré. Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est l'espion français considéré par ses supérieurs comme le meilleur de sa profession. En cette année 1967, il est envoyé en mission à Rio à la recherche d'un ancien dignitaire nazi réfugié en Amérique du Sud après la guerre. Hubert, vous repartez en mission. Vous êtes bien au OSS 117, le meilleur agent français? Oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Nous sommes à la recherche du même homme, le professeur von Simmel. Êtes-vous prêt à faire équipe avec le Mossad? Les services secrets israéliens. Dame. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne. Et l'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faudra apporter quelque chose de lourd. Où est Heinrich von Simmel? Aux dernières nouvelles, il vivait dans un groupe hippie. Mais qu'est-ce donc? Ce sont des jeunes avec les cheveux longs. Voilà autre chose. Est-ce qu'il serait par hasard possible de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? C'est forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association? OSS 117, Rio ne répond plus. Avec Jean Dujardin, un DVD Gaumont-Columbia Tristar.